le garçon que je préfère. Cela n'a pas eu l'air de lui plaire. Maintenant entre nous deux c'est la guerre. Papa tu as un sale caractère. C'est embêtant. J'ai des problèmes décidément. De 20 cm, mes rencarts je peux me le permettre. Pourtant je dois bien le reconnaître. Quand je passe trop d'hommes sont aux fenêtres. Ma mère ne veut plus que je les mette. C'est embêtant. J'ai des problèmes décidément. C'est bien ma veine, y'a la grève du métro. Encore si le temps était au beau. C'est le déluge, qu'est-ce qui tombe comme eau. On peut dire que je n'ai pas de peau. C'est embêtant. J'ai des problèmes décidément. Du collège on va me renvoyer. Je ne fais rien à ce qu'il paraît. Il va falloir choisir un métier. Je n'aime rien faire, je n'aime que chanter. Mais on m'a dit que c'est très encombré. C'est embêtant. J'ai des problèmes décidément. Oui, on m'a dit que c'est très encombré.